l'air d'une chambre et le pressoir d'un lit ancien, grisé par l'odeur des vendanges. Je suis pris d'un désir étrange, né du souvenir des païens. Couchons ce soir sur le pressoir, dit, faisons cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Parmi les grappes qui s'étalent comme une jonchée de pétales, ô ma bacchante, roulons-nous. J'aurai l'étreinte rude et franche et les tressauts de ta chair blanche écraseront les raisins doux. Couchons ce soir sur le pressoir, dis, faisons cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Sous les baisers et les morsures, nos bouches et les grappes mûres mêleront leur sang généreux. Et le vin nouveau de l'automne ruissellera jusqu'en la tonne, d'autant plus qu'on s'aimera mieux. Couchons ce soir sur le pressoir, dis, faisons cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Au petit jour, dans la cour close, nous boirons la barre de vin rose, œuvrée de nuit par notre amour. Et dans ce cas, tu peux m'en croire, nous aurons pleine tonne à boire. Lorsque viendra le petit jour, couchons ce soir sur le pressoir, dis, faisons cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie. Cette folie. Couchons ce soir sur le pressoir, Margot, Margot, ma jolie.